Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. Une autre année de vélo est maintenant terminée, même s'il fait super beau. Ben, c'est question, on va faire un peu le bilan de la Véloroute W avec le président Michel Chiasson. Salut Michel! Salut Dani, ça va bien? Oui, ça va bien, quand il fait beau de même, puis c'est encore oui. Encourageant qu'il passe. Tu dois faire du vélo encore, toi, qui est un mordu de vélo, tu dois en faire encore même s'il fait beau, si tout est serré. Ben là, oui, cette semaine, on n'a pas fait encore, mais c'est encore, on rencontre du monde. Je suis allé marquer justement tantôt sur la piste cyclable, on a rencontré des vélos. C'est sûr que le monde va en profiter. Ça a été une belle année côté température. Qui dit belle année côté température doit sûrement dire belle année aussi au niveau de touristes. J'imagine que c'était bon encore cette année? Oui, c'était très bon. On a eu encore cette année un record d'achalandage. On a passé la barre des 300 000, 309 000 utilisateurs de la véloroute. Ah, c'est... Oui. Comment vous faites? Oui, il y a un compteur à des places? On a un compteur à chaque municipalité. Il y a 16 compteurs autour de la véloroute. Okay. Puis ils font un bilan de tout ça. C'est comptabilisé à tous les mois. Mm. Fait qu'on est capable d'avoir les périodes les plus achalandées, les coins les plus achalandés. Okay. Fait que ça nous donne un bon rapport. Ouais. Faut dire que c'est pas 309 000 différentes, là. C'est 309 000 qui est arrivé sur utilisateur. Utilisateur, oui. Ça veut dire qu'une personne qui est allée 10 fois, exemple, 20 fois, ben, elle compte pour 20 fois. Oui, c'est ça, oui. Okay. Et, par contre, t'sais, comme t'sais, on n'avait jamais dépassé le. Et l'année passée, on avait 290 000 en temps de pandémie. Ah, c'est bon. Les années d'avant, c'était 240, 250 000. Puis c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps des utilisateurs. Et c'est pas des touristes, mais c'est un utilisateur. Moi, comme moi, quand je pars de Saint-Jean-d'Arc puis que je monte à Saint-Félicien, ben, on va dîner à Saint-Félicien, on revient. Donc, ça fait bouger l'économie oui. Un peu partout. Ouais. Est-ce que tu sais de où est-ce que ça vient un peu, grosso modo? Ça devait être du Québec encore, j'imagine, parce que les Français, jusqu'à tout récemment, les Américains n'ont pas pu venir. Donc, j'imagine que ça vient encore tout du Québec. Oui, ça vient, c'est tout. On a vu beaucoup, beaucoup de monde un peu partout. La Gaspésie, on a vu d'Ontario, on a vu du Manitoba, on a vu partout. Ah, un peu, c'est bon, la grandeur, même du Canada, c'était quand même... On a vu plusieurs de l'extérieur du Québec puis des autres provinces. Okay. C'est sûr qu'il n'y avait pas de outre-mer, mais ouais. L'année prochaine, on dit ben, quand les gens vont pouvoir traverser les frontières, nous autres, il y en a qui vont y aller, mais par contre, il y a des Européens qui vont venir chez nous. Okay. Fait qu'on devrait être capable. On espère de maintenir cet achalandage-là encore pour plusieurs années. OK. Donc, c'est vraiment beau, là. C'est vrai. Donc, t'as parlé des coins les plus achalandés. J'imagine que le côté d'Alma est probablement le plus achalandé? Oui, dans le bout de Saint-Réveillon, dans le Métabetchouan, les autres sont plus près du lac Saint-Jean. Ouais. Puis eux autres, là, ils ont quand même encore plus de réseau. Le réseau est plus séparé de la route 169 que nous autres. Okay. La partie qui reste, nous autres, Maria Cabdenin, on est comme, ben, on a plus. Et là, il y a des progrès qui s'en viennent pour l'année prochaine, probablement. Okay. Du côté de Péribonca, Saint-Jean-d'Arc, ça devrait sortir de la route 169. Okay. Fait que, ça va être des beaux projets encore pour améliorer encore le côté sécuritaire puis pour attirer encore plus de gens. OK. J'ai vu Michel, qu'il y avait un projet à un moment donné qui avait été refusé ou qui était aménagé. J'ai vu ça il y a quelques semaines. C'est quoi ça, hein? Ben, on avait le premier projet qui était ici, là, c'était entre Albanel et Dolbeau. Puis on a rencontré des problèmes du côté des droits de passage, puis il y a des places qu'on n'a pas pu. Fait que là, ben, c'est ça, on s'est tourné de bord, puis là, on va entre Péribonca puis la rue de Blanche à Saint-Jean-d'Arc. Le ministère des Transports, d'ici un an ou deux, devrait faire le pont de la rivière Moreau pour le rélargir. Ouais. Fait que on est en contact avec eux autres, puis les pourparlers vont bien. Fait que c'est des choses qui devraient se faire dans les prochaines années. Là. Ouais, au début, peut-être en fin d'année prochaine ou plus tard. Là. Mais je reviens sur le côté plus achalandé. C'est sûr que le coin de Saint-Thomas, pas Saint-Thomas, mais le coin de Saint-Gédéon, Métabetchouane et ainsi de suite, c'est normal un petit peu quelque part. Il y a une vue là, sur le lac Saint-Jean. Ça aussi, ça doit jouer. Là. La vue là, est incroyable. Là. C'est, quelque part, là, j'imagine de voir un touriste, ça doit... Je me mets dans la peau d'un touriste de voir cette vue-là, c'est à couper le souffle. Ben, c'est sûr que c'est attirant parce que le monde qui vient d'en dehors, ils veulent voir, ils disent on vient faire le tour du lac Saint-Jean, ils veulent voir le lac. Mm. Mais je serais surpris des commentaires qu'on a quand les gens passent ici, là, dans le nord du lac, là, dans Maria-Chapdelaine, parce que les champs de culture, les champs de bleuetière, les bleuetières, quand c'est en fleurs, là, c'est de toute beauté. Puis, tu sais, il y a des champs de patates, les champs, tu sais, le monde, il y a plusieurs gens qui aiment pas juste le côté du lac Saint-Jean, de la rivière. Et c'est des découvertes tout autour du lac, tu sais, c'est surprenant les commentaires qu'on a pour notre coin. C'est beau, c'est différent. C'est des forêts, puis c'est des champs. OK. Donc, j'imagine, tu m'as parlé de projet, donc c'est le projet qu'on va travailler plus du côté de la Ville-Route cet hiver? Ouais, ben là, c'est ça. C'est ces progrès-là. Oui, c'est les progrès-là qui sont en cours. Puis il y en a un aussi du côté de Chambord qu'on attend. Ben, je ne sais pas si peut-être que tu as vu aussi dans les nouvelles avec le CN. Il y a des discussions avec le CN parce que il nous reste des traverses à faire avec eux autres. C'est des gens. Mais ça devrait se régler. On espère bien au courant de l'hiver. Les pourparlers, les discussions sont là. Ça va bien avec eux autres. Fait que. On travaille avec la MRC mandataire qui est la MRC domaine du roi. Puis on va chercher tous les contacts possibles pour réussir à faire aboutir ces progrès-là. 17, on parle de fin 2023-2024. OK. Donc c'est pas mal intéressant, évidemment. 300 000. Ça a augmenté d'année en année, hein? Oui. Puis là, tu vois, on vient de finir la campagne de financement comme à chaque année. Là. La vente des billets, on a eu une vente record de billets. On a vendu 3320 billets. Puis le tirage a eu lieu samedi passé chez Alma Toyota. OK. Les gagnants, c'est? Le premier prix, c'est un bon d'achat de 30 000 $ chez Toyota ou 25 000 $ en argent. Après ça, il y a il y a un prix de 10 000 en argent, 5 000 en argent. Il y a 16 prix au total pour 51 000 $. Puis là, pour avoir la liste, il s'agit d'aller sur le site de la Ville-Route des Bleuets. Tous les gagnants sont là avec les prix qui ont été gagnés. OK. Ben, Michel, bravo. Félicitations encore une fois pour la belle année que tu nous as fait au Ville-Route des Bleuets. 300 000 personnes, ça fait du monde à la messe. Puis, un plaisir de se parler. Tu vas être là encore l'an prochain, j'imagine? Ben moi, oui, on va poursuivre encore l'année prochaine. Puis comme à chaque fois qu'on se parle, ben, on remercie tous nos partenaires et nos bénévoles qui s'occupent de ça. Puis, ils font un gros travail. Puis le comité à la Ville-Route des Bleuets. Hein. C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment réconfortant d'avoir un résultat comme ça. OK. Ben merci beaucoup pour le plaisir de se parler. OK. Merci, Danny. Le responsable de la Ville-Route des Bleuets, le président de la Ville-Route des Bleuets.